Attendu pour kiffer ma vie, mais c'est pas avec toi que j'ai découvert Louis V. J'ai des bêtes de potes, une bête de cartes, et j'ai pas le tien dessus, non c'est bien mon blaze. J'ai pas attendu, je connais déjà la ville, et j'ai déjà fait Dubaï, Marrakech, Miami. Ne crois pas changer ma vie, les mecs comme toi, ouais je connais. Ne crois pas connaître ma vie, les mecs comme toi, ouais je connais. T'es un footballeur. Les mecs comme toi, ouais je connais. Ne crois pas connaître ma vie. Les mecs comme toi, ouais je connais. T'es un beau bonheur.